ça marche. Parfait, parfait, parfait. Deuxième personne. Se rapprocher un petit peu. Juste. Voilà, super. C'est parti. Moi, je déteste être à droite. Je suis très à gauche. Je suis très à gauche, on ne peut pas changer. Hyper à gauche. Mais je vous ai dit, ma copine était chiante. Allez, allez Michel. On peut changer. Allez, moi, je ne veux pas être à droite. Alors là, il n'y en est pas question. Alors, vous avez remarqué qu'il s'est passé un truc, là, quand même. Ah oui, j'ai une sale gueule. On a des oreilles. On a des oreilles. Vous avez des oreilles, super. Vous êtes à l'intérieur de la machine, en fait. Là. Ah. Et donc maintenant, il va falloir vous transformer en petit lapin. En petite souris. Un petit Mickey. C'est notre ami Mickey. Oui. On est des Mickey. Ah oui. Donc et maintenant, il va falloir manipuler les Mickey. Parce qu'on peut les faire bouger dans le cercle. Bon. Et donc dans le cercle, il y a des carrés rouges qui permettent de déclencher du son. Donc quand on se promène dessus, on déclenche le son. Qui sont des... Alors voilà, donc ça, c'est la petite peluche. Oui. Non, il faut la prendre à pleine main. Et puis donc, en inclinant. Oui. On se déplace. Alors justement, ça dépend de votre philosophie de vie en fait. Ben, je sais pas, moi j'attaque jamais la première. Alors, on va dire qu'il y a deux niveaux dans ce petit jeu. Là, on est dans le premier. Dans le deuxième, vous allez pouvoir plus vous battre. Moi, je suis très mal barré, de toute façon, j'ai jamais rien compris. Vous vous mettez en haut à droite. Mettez-vous en haut à droite. Chérie, et bien, pour incliner votre machin, là, c'est pas ça. Mon machin, là, sois polie, chérie. C'est fini. Je n'arriverai jamais à sortir d'ici. Mais si, on est presque un peu sur la gauche. Voilà, hop. Ça devient bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient bleu. On a gagné. On a gagné. Donc, la création, toutes les deux, pour créer une atmosphère musicale sonore, ensemble, main dans la main. Ou bien vous livrez une bière à Charmant. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est vous qui choisissez. Hein. Attendez, je vais mettre mon oreille sur votre oreille. Attendez, bougez plus, je vais mettre. Remettez-vous un peu à gauche, je mets mon oreille sur votre oreille. Stop, c'était bien, j'avais mon oreille sur votre oreille. Je trouve qu'elle est mignonne, elle est romantique à 16 heures. Voilà, stop. Oh mince. C'est chiant, ça bouge tout le temps. Hein. Voilà, ça y est. Merci. Je me venge, ma petite Michelle. Ah bon? Et on rétrécit, voilà. Voilà, vous avez rétréci. On devient minable si on se bat. Exactement. Si on se bat, on devient minable. C'est exactement ça. Faut pas se battre. Quand on cherche à la haut, on devient minable. On va disparaître. Ça va être très méchant. Là, c'est un petit peu. Et voilà. Game over. Voilà. Bon, le jeu terminé. Oh, bah, pour l'instant. Il suffit d'être méchant, pour devenir tout petit. Petit ridicule et bête. Mais c'est moral. Moi, j'aime bien. C'est très moral. Mon prénom, c'était donc Michel et Marie-Paul. Okay. Merci, messieurs. La prochaine fois, on te lâchera d'être mignonne. On est dans combien d'années, là? J'apprends la sagesse.